Et vogue la galère. Septembre est dense à l'atelier. Maman concocte la nouvelle collection. Il faut que les nouveaux modèles soient au point dès le milieu du mois. C'est la période de l'année que maman préfère. Dès la mi-août, elle met l'hémisphère droit de son cerveau, le créatif, sur on. Elle révèle à Faustine qu'elle s'endort chaque soir en mémorisant la corbeille qu'elle veut garnir le lendemain, ainsi que les tissus, broderies, dentelles, guipures et décorations dont elle dispose. Au matin, hop, un nouveau modèle s'impose, mûri pendant la nuit. Papa n'a plus qu'à en élaborer le patron d'après ses explications. Et ainsi de suite pendant une semaine à raison d'un ou deux prototypes par jour, le second découlant parfois du premier. Il ne reste plus qu'à convoquer les représentants en fournitures diverses. Les commandes tombent vers la mi-octobre pour une livraison à fin novembre. En 6 semaines, on confectionne environ 2000 petits paniers garnis. En quête de photos d'identité pour son futur permis, Faustine rencontre un photographe très sympathique, installé dans la vieille ville de Grasse. Il se prénomme Lucas et raconte à quel point il est, paradoxalement, difficile de se faire une place au soleil sur la côte d'Azur. Sans cesse à courir après le cacheton, les mariages, les communions, les photos de classe, de groupe, etc., il n'en mène pas large. Par ailleurs, le matériel évolue tellement vite, c'est une sacrée gageure de rester à la page. Faustine l'écoute pendant qu'il lui fait ses clichés, se disant qu'elle pourrait aussi bien lui passer commande pour une série de portraits, une façon comme une autre de lui beurrer sa ratatouille. Lucas est si content de cette idée qu'il l'invite à dîner chez lui. Faustine fait la connaissance de sa femme, Jeanne, jeune provençale babacool, volubile et rieuse qui attend leur premier enfant. Le trio se partage la bouteille de listel gris apportée par Faustine pendant que Jeanne prépare le repas. Ce soir, omelette, patates oignons et dessert qui tue. Qui tue ? Répète Faustine. Oui, rétorquent en chœur ses nouveaux amis, parce que si tu as encore faim après l'omelette, ce dessert-là, il t'achève, peu cher. Et de rire aux éclats. Faustine, intriguée, lorgne la confection du fameux dessert. Jeanne ouvre un paquet de boudoir, une boîte de poire au sirop, un gros pot de crème fraîche épaisse. Elle mélange dans une assiette creuse, à part, le jus des poires avec 2 grosses cuillères à soupe de kirsch. Y trempe les boudoirs recto verso et les aligne dans un moule à charlotte, à double couvercle. Quand celui-ci est bien tapissé de biscuits, elle combine poire coupée en dés et crème fraîche, puis remplit le récipient presque jusqu'au bord. On recouvre avec les restes des boudoirs, on ferme en appuyant bien fort sur le couvercle et on place le tout au frigo en attendant de déguster. Délicieuse l'omelette, proclame Faustine, pour qui c'est une grande première. Elle nettoie son assiette en moins de 2. Et si on passait au dessert? Tout aussi génial. Faustine le resservira toute sa vie, celui-là. Elle rentre chez elle, comblée par cette nouvelle amitié, se réjouissant déjà d'y retourner. Ils ont encore tellement de choses à partager. Un soir, après le turbin, Faustine trouve 10 lettres dans sa boîte. Tiens, d'où ça vient, ça? Étonnée, elle ouvre la première enveloppe. En tombe la photo d'un visage asiatique masculin. Perplexe, Faustine lit le mot d'accompagnement qui dit « Suite à votre annonce, je… » Annonce ? Quelle annonce ? Ça doit être une erreur. Pourtant, c'est bien son nom sur l'enveloppe. Les autres courriers sont tous du même acabit. Photo ou pas et présentation du correspondant, toujours désireux d'entreprendre une relation sentimentale, voire plus si on tente. Faustine se marre. Hygiène garantie aussi, tant qu'à faire. C'est souvent ce qu'on lit dans les annonces du chasseur français. Si peu romantique ce terme d'hygiène quand on évoque le sexe. Tout cela n'explique toujours pas qui a mis cette fameuse annonce, ni de quoi elle est composée. Il va lui falloir patienter pour la réponse. Faustine n'a pas le téléphone à la Marie-Garde. Quand elle a demandé une ligne, on lui a parlé de 2 ans d'attente. Alors elle a laissé tomber. Dans 2 ans, elle sera repartie depuis belle lurette. La majorité des réponses provient de messieurs désireux d'acquérir la nationalité française. Or, Faustine n'est pas française. Du lot ressort néanmoins une missive atypique. L'homme ne révèle jamais son âge, bien qu'il l'avoue certain. Un vieux, traduit la jeune femme. C'est vrai que les hommes qui ont dépassé la cinquantaine n'ont pas leur pareil pour convaincre les nymphettes que la jeunesse, c'est dans la tête, après tout. Cet homme-là, on le surnomme Popeye. Il possède un cotre dans le port de Cannes. « Faisons connaissance, écrit-il avec un enthousiasme juvénile. Réponds-moi à telle adresse, en poste restante, si tu veux venir me voir samedi à 14h et passer le week-end sur mon bateau. » Suivent quelques poèmes très drôles qui donnent vraiment envie d'aller à la rencontre d'un personnage aussi singulier. Faustine prend sa plus belle plume, annonce sa venue, en tout bien tout honneur, bien entendu. À l'atelier, il a suffi qu'elle esquisse l'évocation de son volumineux courrier pour que sa chère maman explose de rire. « Ah, ça a marché alors ! Je voulais juste que tu t'arrêtes de te plaindre d'être toujours seule. » Faustine, qui ne se plaignait jamais que d'être séparée de Bernard, rétorque vivement. « Décidément, tu oses tout, toi. Je m'en doutais. Tu as de la chance que je ne sois pas rancunière. En plus, il y a une réponse sur les 30 qui est intéressante. Mais je te préviens, elle restera sans suite après ce week-end. J'y vais uniquement par curiosité, parce que ça m'occupera 2 jours. Chouette, tu me raconteras? On verra. » Jour radieux en ce début octobre, annonciateur d'un bel été indien. Le port de Cannes est effervescent. Les marins du dimanche sont tous sur le pont à vérifier les voiles avant de les mettre. Comment qu'il disait l'autre? Sur un bateau, ce que tu laves pas, tu le peins. Ce qui bouge, tu le salues. Mais où qu'il est, le fameux Popeye? Il a écrit, t'auras qu'à demander après moi. Ici, tout le monde me connaît. Et de fait, Faustine s'adresse à 2 jeunes affairés qui s'interrompent quelques secondes. « Popeye, c'est le bateau ancré là-bas, au milieu du port. » Il désigne un antique rafio qui se balade au milieu de la rade, loin de tout ponton. « S'appelle Long Courrier, mais il ira plus très loin, le pauvre. »« Ouais, Long Courrier, puis Courrier tout court. Maintenant, faudrait presque changer en poste restante. » Et les 2 jeunes d'éclater de rire. Comment je fais, moi, pour le rejoindre? Rigole Faustine en retour. Bah, facile, tu vas au bout du ponton et tu hurles. Popeye! Dont acte. Faustine se rend à l'endroit indiqué, va pour donner de la voix en direction du cotre quand elle perçoit son bonhomme qui descend l'échelle du yo-yo. Quelques coups de rame plus tard, il l'a rejointe. C'est toi, Faustine? C'est toi, Popeye? Exact. Bonjour, ravi de faire ta connaissance. On va d'abord au marché et ensuite au thé dansant du Grand Café. J'y vais tous les samedis. Ça te convient? Avec plaisir, j'adore la danse. Je te suis. Et les 2 la rondent de son aller, bras dessous, direction le marché Fortville. Une baguette, 2 croissants, du beurre, du jambon et des œufs pour demain matin. Popeye prévient que le souper est déjà prêt à bord, qu'on n'aura plus qu'à le réchauffer. À la jeune femme qui lui demande pourquoi il est ancré si loin, il avoue qu'il n'a pas les moyens, avec sa modeste retraite, de s'offrir une place au ponton. Faustine, pendant leur déambulation, observe le marin et lui met largement la tête et les épaules. Si maigre qu'il semble désarticulé, on dirait une marionnette à fil. La jeune femme pense qu'il ressemble plus à cette grande gigue d'olive qu'à Popeye. En tout cas, il n'a pas mangé assez d'épinards. Avec ça, des yeux d'un bleu intense qui tranchent dans le visage buriné par le soleil et le vent. Un vrai cliché marin. Par contre, si les cheveux blonds de la sagesse y sont, manque la barbe et la moustache. On dirait qu'il a accordé un soin particulier au rasage ce matin. À ce point de son constat, les voilà rendus au Grand Café. À leur entrée, une dizaine de mémés dont la soixantaine se précipitent à la rencontre du capitaine. Ils saluent chacune d'elles de 4 bises réglementaires, tout fiers de son petit effet. L'orchestre n'attendant que ça, attaque un tango. Hey! Popeye commence par son arrivée du week-end. Pauvre Faustine! Voilà bien longtemps que les cours de danse de salon de la MJC sont oubliés. À force de compter les pas et d'essayer de bien faire, elle est raide comme un piquet. Elle tente d'oublier que maman lui a toujours dit qu'elle n'avait pas, n'aurait jamais le sens du rythme, mais elle s'en mêle les pinceaux, rouge de honte sous les regards impitoyables des mamies qu'elle sous-estimait tout à l'heure. « Vite que tout s'arrête, par pitié !» Elle abandonne dès la fin du premier morceau pour n'y plus revenir. Son danseur, qui n'a pas de temps à perdre au vu de la demande, ils ne sont que 3 mâles qui dansent correctement, s'excuse et s'en va servir ses habitués, chacune son tour. « Tu me la copieras, celle-là » grommelle Faustine dans son coin, rongeant son frein en attendant que le temps passe. Malgré tout, elle ne peut s'empêcher d'admirer la grâce et la souplesse de certains couples. C'est donc vrai qu'il y a une vie après 30 ans.